Elle est partie, elle s'est barrée, nous a quittés, une ex-mariée, aurait fait le même, elle s'est tirée, nous a laissés, nous étouffés, seuls, nous une minorité, à peine l'âge de la majorité, trop contrarié par vos livres, trop erroné, moi je la bague encore, car sans elle je suis plus rien, je rentre dans l'eau, si je la laisse filer, je pourrais même croire aux arrières, s'il te plaît, reste avec moi, t'as lâché trop de mes confrères, j'y crois encore, ils sont pas mes ennemis, mais c'est des confrères, t'as quitté trop de foyers, t'es lâche, moi je te croyais, plus incisif que ça pour squatter les moines crâniennes, t'es un joyau, mais broyé, par des nœuds royaux, tu crois qu'à dans le fait Benito, sous des ménages loyaux. Non, moi je veux pas me noyer. Dans cet amas de conneries fourvoyées. Reste avec moi, même si tu me nourris pas, je paye pas le loyer. Tu me sers pas à première vue, mais comment je suis bien avec toi. Mon âme est claire, mes gestes généreux quand t'es là. La Jacques Brel ne me quitte pas, tu serais ma plus grosse perte. Quand t'es là, le sang coule beaucoup moins, même si il coule, certes. Je te dis pas que je t'aime, mais sans toi, je me remplirai de haine. Et si je me remplis de haine, je remplis ma mère de peine. Donc n'y pense même pas, je me dis pas toi, t'as beau glisser. Je te récupère et je te garde, même si tu aussi d'un sinistre. Sérieux, reste avec moi et multiplie-toi vers mes voisins. Ils ont le virus, tu as plus B, j'ai mal quand je vois ça. Vas-y à la carrière et n'épargne personne. Ça nous fera un bien fou, même si l'utopie me gagne, sans la donne. Récupère tous ces crânes qui squattent le mauvais côté de la rive. Tu tiens les haines du monde, toi, la mémoire collective. Wonder if she's gone, she's gone. Wonder if she's gone. Toi la mémoire collective, écoute. Reste avec moi, tes gars, pas rentrer tout le monde, ça est dur à les dégâts. Le devoir de mémoire, eh, hey. Pour parler de l'histoire. Wonder if she's gone, she's gone.